ha, je me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, je te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, je me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, je te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, je me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, je te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, je me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, je te les prends. Le rap est fou de thunes. Prolète mental, tu crois tu tues, non tu pues, et rappel lamentable. Tu raterais l'immanquable, mon rap est remarquable. Faut pas tester un testable, ce stream au 2-3 étages. Mais si le monde charge, te monte comme un fenouil. Je m'en bois si le monde change, y'a plus grand chose de mythique. Toujours on m'élite, non ici on part ça. Tout le monde en irrite, comme Messi au Barça. Ma vie sale, j'abîme trop ma réussite. Aventure dans une salle à 10 pour fumer un stick. Les MC des clinch, on les savait y'a 5 ans. Pour le succès d'estime, ils sucent fier tous les glands. Le rap un bis de buzz, même plus un chiffre de test. Faut qu'il se calme, faut qu'il se calme, qu'ils aient fini en hesse. Bilan d'amnesse, con, se croit tout le monde en blesse. Insomnie et gênante et con, croit tout le monde en baisse. Ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, je te les prends. Je viens mettre des claques et faire une mise à la manche. Je te l'ai dit d'avance, comme ça tu diras pas, je t'ai pas prévenu. Viens pas jouer, t'es grand, tu repars chez toi tout nu. Avec le mic dans ton cul, on est dans la merde, tu vas comprendre notre vécu. 18 RAS, une taille, on la tease à 13. Une taille pour l'adresse, tu pars sous nous, mais quand tu nous vois, tu stresses. Jour et nuit, on est dans la street, mon amitié pour devenir mon complice. Il faut du respect, je me vends pas sur eBay. J'avance, je suis indépendant. Je fais des gestes pour les malentendants. Et pour MC, je les attends sur le ring avec le brulique. En guise de graveur, appelle ta sœur que je lui donne mon pic. En guise de vibre, ma sœur. Passe-moi le mic que je devienne un boxeur. Elle est mise, mettez-vous à quatre pattes. L'air de Jack Rabat, y'a que dans un trou qu'on peut s'en sortir. On va pas vous mentir. Ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'ai dit ha, ha, ha, ha, j'me les prends. J'ai pas de Facebook, pourtant t'es fin, j'te les prends. J'arrive, c'est le dégât 5-9, j'suis pas au port. On vient, on fout le hell à bordel. Après on se barre et moi et c'est killer. Mais un cesse de liqueur dans ton verre, votre charbon, whisky et pourtant c'est l'heure. Viens dans l'usine West Coast, mais 1059, ultime, ultime, attends, t'as essayé. J'me fais peur, tous des KZI, face au Grizzly. On écrit ici, trop d'avance, prêt pour le PCI. Yeah, ok, M.A.S. c'est killer. Brr, brr, ok, dans mon 59, c'est hardcore.